Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. T'est-il parvenu la nouvelle de la journée envahissante ? Des visages, ce jour-là, seront empreints d'humiliation, peinants, épuisés, qui brûleront dans un feu très ardent et boiront à une source d'eau bouillante. Ils n'auront pour toute nourriture que du dharia, qui n'engraissera point ni ne calmera la faim. Et il y aura ce jour-là des visages radieux, satisfaits de ce qu'ils auront accompli, dans des jardins surplombants, où il ne sera entendu aucune parole futile. Il s'y trouvera une source qui coule. Des lits seront élevés, des coupes posées, des coussins bien disposés, et des tapis étendus. Ne voit-il donc pas comment les chameaux ont été créés, et comment le ciel a été élevé, et comment les montagnes ont été érigées, et comment la terre a été aplanie? Rappelle donc, car tu es là pour rappeler. Tu n'as pas à les contraindre. Mais celui-là seul qui se détourne et mécroit, Allah lui infligera le plus grand supplice. C'est vers nous, certes, que sera leur retour. Puis c'est à nous qu'il incombera de leur demander des comptes.